Conte de fées en français. Le talisman. Il était une fois un prince et une princesse très amoureux qui venaient tout juste de se marier. Ils étaient vraiment heureux. Le prince s'appelait Robert et la princesse Emilia. Robert et Emilia voulaient que leur bonheur dure toujours et voulaient posséder un talisman qui pourrait les protéger du malheur dans leur mariage. Un jour, le conseiller du roi leur parla d'un homme qui vivait dans la forêt, reconnu par tout le monde pour sa grande sagesse et ses bons conseils en toute situation. Je pense que l'on devrait aller tout de suite rencontrer cet homme. Ainsi, le lendemain, Robert et Emilia se rendirent auprès de l'homme sage. En arrivant à l'arbre où ils vivaient, ils lui firent part de leurs désirs. L'homme écouta et dit ensuite « Voyagez dans tous les pays du monde, et à chaque fois que vous rencontrerez un couple marié totalement heureux, demandez un petit bout du tissu qu'il porte au plus près du corps. S'il vous en donne un bout, portez-le sur vous et ramenez-le-moi. Je le mélangerai avec de l'or liquide pour en faire deux anneaux. Les anneaux d'or seront vos talismans. C'est le seul remède. » Robert et Emilia remercièrent l'homme sage et repartirent. Ils cavalèrent à travers les jungles et les rivières et arrivèrent peu après dans une ville où ils demandèrent à un passant qui était le couple marié le plus heureux. « Oui, notre chevalier et sa dame sont le couple le plus heureux. » »« Allons tout de suite voir le chevalier alors !» En arrivant au château du chevalier, celui-ci les accueillit. Robert et Emilia demandèrent au chevalier et à sa femme si leur mariage était vraiment aussi heureux que tout le monde le disait. « Oui, bien sûr, nous sommes très heureux ensemble. » Emilia et Robert furent enchantés. « Mais à une exception près. »« Comment ça ?»« Nous n'avons pas d'enfant. Tous les jours, nous souhaitons avoir un enfant, car cela rendrait notre mariage vraiment heureux. » La joie d'Emilia et Robert s'envola de suite, car ce critère ne permettrait pas à l'homme sage de pouvoir fabriquer les talismans. Déçus, ils remercièrent le chevalier et sa femme et continuèrent leur voyage à la recherche d'un couple marié totalement heureux. Au cours de leur voyage, ils arrivèrent dans un pays où ils entendirent parler d'un citoyen qui vivait en parfaite harmonie avec sa femme. Ils se rendirent chez lui et demandèrent s'ils étaient aussi heureux que les gens le disaient. « Oh oui, bien sûr, ma femme et moi vivons en parfaite harmonie, mais nous serions parfaitement heureux si notre fils n'était pas si malade. Nous avons vu les meilleurs médecins du pays, mais personne n'a pu le guérir. » Déçus une fois de plus, Robert et Emilia se regardèrent. « Nous sommes vraiment désolés pour votre fils, et nous espérons qu'il ira bientôt mieux. On doit continuer à chercher. » Ils remercièrent l'honnête homme et sa femme et continuèrent leur voyage. Ils cherchèrent partout, encore et encore. Des couples parfaitement heureux, mais absolument personne ne se présenta à eux. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis sûre que nous trouverons bientôt le talisman. Je l'espère aussi, mon amour. Que nous n'ayons pas fait tout ce voyage et ces efforts pour rien. J'espère que ça va payer. Robert acquiesça et sourit pour réconforter sa femme. Mais au fond de lui-même, il était aussi inquiet. Un jour, à cheval, le long des champs et des prairies, ils remarquèrent un berger près de la route, qui jouait gaiement de la flûte. Une femme portant un enfant dans ses bras et tenant par la main un petit garçon s'approcha de lui. Dès que le berger la vit, il la salua et prit le bébé dans ses bras pour le caresser et l'embrasser. Le chien du berger courut vers le petit garçon, aboya et bondit de joie. La femme prépara le petit repas qu'elle avait apporté et alors il s'assit et prit une première bouchée. Robert et Emilia avaient observé la scène, alors ils s'approchèrent pour leur parler. « Vous devez être un couple marié vraiment heureux, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est exact. À quel point êtes-vous heureux ?»« Aucun prince ni aucune princesse ne pourrait être plus heureux que nous. Et non seulement nous sommes vraiment heureux, mais surtout nous sommes satisfaits. » Robert et Emilia se regardèrent en souriant, pensant qu'ils avaient enfin trouvé là leur option sur le talisman. « C'est un plaisir de vous connaître, monsieur, vous et votre famille. »« Moi aussi, sire. » Voulez-vous vous asseoir et manger avec nous? Ce n'est pas beaucoup, mais c'est de la nourriture. Emilia regarda Robert et hocha la tête. Non seulement vous êtes heureux, mais en plus vous êtes généreux. Et un casse-croûte nous ferait vraiment du bien. Robert et Emilia s'assirent et mangèrent avec eux. Ils discutèrent un moment et après avoir mangé, Robert voulut rapidement demander au fermier un bout de son vêtement. La nourriture était délicieuse. Emilia et moi ne pouvons vous remercier assez, mais je voudrais vous demander une dernière faveur. Et laissez-moi vous dire que si vous pouvez nous aider, vous ne le regretterez pas. D'accord. Que voulez-vous? Eh bien, que vous nous donniez un petit bout du vêtement que vous portez au corps, et nous vous récompenserons de belle manière. Un bout de tissu? Oui. Voyez-vous, nous avons voyagé pendant des jours pour trouver un couple marié parfaitement heureux, et nous l'avons trouvé en vous deux. Si vous nous donnez un bout de tissu de votre vêtement, nous le porterons à l'homme sage de la forêt et il nous fabriquera avec des talismans qui nous garantiront un bonheur éternel à moi et à Robert. Tout comme vous. Le berger et sa femme se regardèrent de façon étrange, ce qui interpella Robert et Emilia. Que se passe-t-il? Nous serions vraiment très heureux de vous donner un petit bout. Et même tout le vêtement, si nous pouvions. Mais nous ne possédons rien. Voyez-vous, nous n'avons pas grand-chose, mais nous chérissons ce que nous avons. Robert et Emilia eurent le cœur brisé. Mais néanmoins, ils donnèrent quelques pièces d'or au berger en partant. Tu es un homme bon. Prends bien soin de toi et de ta famille. Le berger et sa femme remercièrent Robert et Emilia. En remontant à cheval, Robert regarda Emilia avec inquiétude. Mon amour, j'ai peur qu'en cherchant le talisman, nous ne laissions passer les plus belles années de notre vie. Tu as raison, mon amour. Retournons à notre royaume. Je ne veux plus de ce talisman, c'est d'accord. C'est ainsi que Robert et Emilia décidèrent de rentrer chez eux. En passant par la forêt où vivait l'homme sage, ils décidèrent de s'y arrêter et de raconter leurs expériences de voyage. Et aussi lui dire que ses conseils étaient médiocres. Oh! Regardez qui est de retour! Robert et Emilia, je suppose que vous avez trouvé le bout de tissu. Non, pas du tout. Et c'était une idée horrible que d'aller le chercher tout court. Oh, ah bon? Oui, comment avez-vous pu nous faire faire ça? Nous avons voyagé dans plein d'endroits et rencontré plein de gens et nous n'avons trouvé personne qui ait pu nous fournir ce bout de tissu impossible. Je suis d'accord avec mon mari, vous savez, on a perdu notre temps. Après les avoir écoutés, le sage homme sourit. Votre voyage n'a-t-il vraiment servi à rien? Et tout ce que vous avez appris alors? Entendant cela, Robert et Emilia furent surpris. Ils se regardèrent en se demandant ce que voulait dire l'homme sage. Comment ça? Posez-vous la question. N'avez-vous rien appris grâce à ce voyage? Eh bien, oui. Nous avons appris qu'il y a très peu de gens vraiment satisfaits sur cette terre. Et j'ai appris que pour être satisfaite, il faut simplement savoir se sentir satisfaite. C'est tout. Robert et Emilia finirent par comprendre quel avait été le but de l'homme sage depuis le début. C'était une leçon. Robert prit la main d'Emilia. Tous les deux se regardèrent avec l'expression de l'amour le plus profond. L'homme sage les bénit. C'est dans votre propre cœur que se trouve le talisman. Gardez-le précieusement et veillez bien à ce que le démon de l'insatisfaction n'ait jamais aucun pouvoir sur vous. Robert et Emilia remercièrent l'homme sage et retournèrent vers leur royaume. Chaque jour, ils s'aimèrent encore un peu plus. Et ensemble, ils gardèrent le talisman qu'ils avaient trouvé dans leur cœur et vécurent heureux pour toujours. Mais attendez, ce n'est pas la fin. Le chevalier et sa femme eurent une petite fille. Le fils de l'honnête homme fut guéri et ne tomba plus jamais malade. Quant au berger, eh bien, c'était en vérité l'homme sage qui portait un déguisement pour pouvoir faire la leçon à Robert et Emilia.